Tange. Ah, tiens, je t'en... c'est bon, l'anisette, tu sais. Bon. Alors, t'en étais où ? À quel propos ? À propos de votre œuvre. De l'université ou de la... Non, de l'œuvre qui va rapporter de l'argent. Ah, on en était nulle part, en fait. Si, la dernière fois, on était en train d'imaginer des scènes. Moi, j'ai calculé, il faut à peu près une cinquantaine. Il faut une cinquantaine, 50 à 60 scènes. Donc 50 à 60 de scènes. Dans ces scènes, on retranscrit l'histoire et en même temps, on met des idées, scènes ou rédaction de paragraphes. C'est-à-dire scènes, il peut y avoir inclus en dialogue ou non, hein. Ou ça peut être des passages narratifs. Hein. Ouais. Enfin, il faut à peu près un découpage de 50 à 60 scénettes. Bon, si les scènes sont plus longues, éventuellement, ça en fera moins. Mais disons, parlons sur une base de 50. À travers laquelle, on a tout au plus trouvé 3 ou 4. Oui. Donc, il faut imaginer les situations dans lesquelles on va pouvoir exposer les idées ou les thèmes psychologiques, où vont pouvoir s'éclairer la psychologie des personnages, leur réalité, leur point de vue, leur présupposé, leur engagement, leur vision de la vie. On va les trouver. Je sais pas si c'est une très bonne idée finalement de pas les faire dans un ordre chronologique. Oui, bien sûr, non mais. Le mieux c'est évidemment d'essayer de les dérouler dans l'ordre chronologique de manière. Ou plutôt dans l'ordre narratif plus que chronologique. Oui, la manière où on veut donner faire que l'histoire se déroule. Mais je pensais que si on a des idées de scènes. On les incorporera là où on peut dans le récit. Mais on peut avoir des thèmes, toi, des scènes avec où il y a des thèmes, on a levé des thèmes, on a mis au point certains thèmes, par certains exemple, schèmes. Il faut une dispute entre le mari et la femme. Bon, il faut une dispute après le mari et la femme. Il ne faut pas une dispute, il faut montrer un quotidien, dans une scène du quotidien, en fait, où il n'y a pas de conflit ouvert, mais où on sent que ces gens, ils sont... que ce sont deux égaux qui se sont rencontrés. Au sens où il faut montrer que l'idée sous-jacente à leur couple est la même que la vision générale qu'ils ont de la vie, ouais. Que l'autre est toujours un ennemi qu'il faut combattre. Le mieux dans ces cas, c'est même pas d'avoir une seule scène, c'est d'avoir plusieurs scènes répétées, plusieurs scènes. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'une seule scène, plusieurs le quotidien. Donc, avec quel thème tu verrais exposé dans ces scènes ? Par exemple, on peut imaginer qu'elle fasse un régime. Ouais. Mais qu'elle ne puisse pas le faire complètement à cause de lui. Pourquoi ? Parce que lui a toujours faim. Ah oui. Quelque chose de profondément vécu. Non, enfin, vécu sur le thème, si je suis grosse alors qu'elle est maigre comme un clou, si je suis grosse c'est à cause de toi. Du type... toujours lié finalement à la consommation, mais la consommation d'aliments consommables justement. Par exemple, cette scène pourrait avoir un avant-propos dans la scène du supermarché qu'on avait invité, qu'on avait inventé dans la manière de... Quand elle va faire ses courses, elle va déjà être en conflit avec son chef, étant mari. D'accord. Il y a forcément une scène où il vole la clé de la boîte aux lettres aussi. Oui, il y a la scène du vol de la boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a une scène d'amour ? Bon. Difficile à écrire. Oui, c'est pas indispensable. On peut s'en passer. On peut faire comme François Sagan, mettre 3 points de suspension à un moment. Il l'embrassa, 3 points de suspension. Il l'embrassa, il leva les jambes, 3 points de suspension. Il l'embrassa, lui collait sa grosse langue dans la chatte, 3 points de suspension. Ça dépend, les points de suspension peuvent venir après quelques précisions ou non. Ouais. Bon, alors il y a ça. Il faudrait pour le quotidien vraiment des choses pas exceptionnelles, enfin des choses qui arrivent. On peut inclure une scène de repas. Justement, du dîner du soir où il regarde la télé. Les infos. Ah oui, oui. Il regarde les infos. Ouais, il regarde les infos. Et commente l'actualité. Ouais. Et oui, il y a déjà le mensonge très présent puisqu'elle lui cache la situation et la leur. Ouais. Donc il y a ça. C'est un jeu qu'en Belgique. Je savais pas qu'il y en avait en France. Non plus. Enfin, j'en ai vu, c'est en Belgique. Bon, quoi d'autre? Ben, je sais pas. Faut essayer de trouver maintenant, dans les grandes lignes, il faut y raconter l'histoire. Dans les grandes lignes. Ah, vas-y, raconte l'histoire. Mais pas simplement dans son schéma. Essaye de trouver une histoire. Genre, on voit un instit qui est très pressé de quitter sa classe parce qu'elle a rendez-vous le soir avec son banquier pour un prêt. Elle en parle vaguement à une de ses collègues. À midi. Pardon ? À midi, alors qu'elle déjeune ensemble. Oui. Donc en allant chez son banquier pris dans un embouteillage, elle a très peur de ne pas arriver à l'heure, d'être en retard, que cela soit un point défavorable à l'acceptation de son crédit. Ce crédit finalement est pour acheter un appartement. Alors elle obtient son crédit, à l'insu de son mari. Mais surtout, elle est allée dans une banque qui n'est pas la sienne propre. Mmh. Et elle est allée dans cette banque après avoir compulsé différentes offres de crédit par des publicités. Mmh. Et elle voit que telle banque propose pour une maison à but locatif. Des prêts très intéressants. Mmh. D'ailleurs, c'est en ce moment l'une des campagnes du gouvernement auquel elle adhère, de lancer l'achat d'appartements dans le pays. Alors finalement, elle est assez contente d'avoir choisi une banque inconnue jusqu'à présent, parce qu'elle est sûre comme ça que son mari ne va pas être au courant de son crédit. Mais le problème auquel elle est confrontée est l'adresse qu'elle doit donner à ce banquier. Mmh. Oui, d'ailleurs, comment elle fait? Alors, dans la voiture, elle pense à ça et elle se demande si ce ne serait pas possible de donner l'adresse de son mari. Mais finalement, elle pense que c'est une mauvaise chose. Parce qu'elle aurait l'impression d'être dépossédée de cet appartement comme elle le serait si son mari apprenait l'achat. Donc elle ne veut pas. Donc elle va chercher une autre adresse, elle va sans doute donner l'adresse de l'école dans laquelle elle est. Et même si ça peut paraître un petit peu étrange à ses collègues, ça lui semble plus simple que d'avoir recours par exemple à une boîte postale où c'est cher et où c'est un peu inutile. Bon, voilà. Alors elle visite cet appartement et elle l'achète dans le but de le louer. Oui. À des riches étrangers l'été, enfin toute saison, et de l'utiliser pendant les périodes où elle n'est pas louée pour rencontrer son amant. Oui. Voilà. Bon. Alors là, elle en est à sortir de chez son banquier et le lendemain, donc le soir, elle rentre chez elle et elle voit son mari. Mm-hmm. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? Il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Elle est assez tendre pour une fois. Parce que comme elle a se reproché quelque chose, eh bien, elle a l'impression que ça va se voir sur son visage qu'elle a fait quelque chose. Pourtant, à ce moment-là, il y aura quand même une sorte de scène et de tension parce que son mari a acheté un GSM. Oui, bien sûr. Mais elle va essayer de prendre sur elle. Prendre sur elle, mais en même temps, elle prendra, même si elle prend sur elle, ça va être. Elle trouvera quand même que son mari exagère. Oui. Et qu'il dépense l'argent de façon inconsidérée. Oui. Alors que c'est bientôt leur anniversaire de mariage et qu'elle avait vu un très beau tailleur. Si tu veux. C'est pas obligatoire. Je sais pas. Bon, alors voilà. Là, mais là, on se perd un peu dans les détails. Il faut l'histoire. Cette histoire, c'est long. Bien. Là, c'est tout le début de l'histoire. Donc en fait, le lendemain, elle retourne au travail. Oui. Mais après son travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend rendez-vous avec le vendeur de l'appartement. Oui. Qui est un particulier, une société? On ne sait pas, peu importe. Une société ou un particulier. C'est une société. Bon, merci. Ça n'a pas grand importance, je crois. Ah voilà, elle visite cet appartement et elle est très embêtée parce que finalement tout ça l'a fait rentrer un peu tard. Et elle a toujours comme elle rentre de plus en plus tard tous les soirs, de plus en plus souvent le soir elle rentre tard, elle se demande comment elle va pouvoir justifier ça auprès de son mari. Donc, elle envisage, là, de dire à son mari qu'elle va s'inscrire à une activité le soir. Ouais. À quelle activité? Ben, je sais pas. Une activité sportive? Oui, qu'elle va faire de la gymnastique. Ouais. Et puis surtout, parce qu'elle pense qu'il va falloir qu'elle trouve du temps, et pour son amant. Et pour son amant, bien que son amant, elle le voit essentiellement la journée. Mais aussi le soir, enfin bon. Et puis de toute manière, son mari travaille quand même beaucoup. Et donc elle lui dit qu'elle faut qu'elle fasse quelque chose parce qu'elle s'ennuie à la maison. Mmh. Et que c'est de sa faute parce qu'il travaille trop. Et en même temps, elle reproche de trop travailler, mais de ne pas ramener assez d'argent. Bon, alors le soir, elle va voir cet appartement. Et alors elle commence à envisager, à voir le contrat d'achat de l'appartement. Exactement, et on prend rendez-vous avec le notaire, ils examinent, ils font venir, ça lui prend plusieurs jours pour rentrer cet appartement. Non? Si. Et donc il faut faire l'état des lieux. Il est grand cet appartement, il est comment? Non, c'est pas un grand appartement, c'est un petit appartement, parce qu'elle est quand même pas très très riche. Trois pièces? Oh non, c'est plus petit, c'est un deux pièces. Une deux pièces? Ah oui, attends, mais non, c'est un appartement avec deux chambres. Oui, un trois pièces. Ah oui, c'est ça. Un petit trois pièces. Un petit trois pièces, voilà. De chambre. Qui se trouve où? Où ils habitent où? Dans un endroit qu'on connaît, parce que pour décrire, ça va être plus simple. Ils habitent où, eux? Oh, ils pourraient habiter une banlieue stupide. Mais pour habiter... la banlieue stupide, par excellence? Si, il y en a des banlieues stupides. Oui, mais pas trop loin de Paris. Non, mais moderne comme ça. Ah, moderne. Tu sais un peu Vin Lovin Love? Ah bah non, mais... Non, moi j'avais plutôt habité en, dans une commune limitrophe, limitrophe de Paris. Ouais. Ouais, pour habiter Montrouge par exemple. C'est plus facile pour décrire Montrouge? Ouais. Non, d'accord. Ou non, ils peuvent habiter Paris. Non, mais Montrouge, c'est la banlieue des petits bourgeois. Donc, on peut moins habiter Paris, mais qui habite la proche banlieue. Et son appartement, il lâchait tout. Dans le 13e? Mmh. Où ça, dans le 13e? Petit parc Moussoukou? C'est un peu cher pour eux là-bas. Mais attends, il faut que ce soit un quartier où les où potentiellement les étrangers peuvent venir comme... Non mais justement, il va croire que n'importe quel quartier ou n'importe où les gens vont venir, mais justement il n'y aura personne qui va venir. Ça sera un des facteurs pour le fait qui font qu'il n'y a personne qui vient, qui veut louer son appartement. Non, à mon avis, il peut acheter un appartement en banlieue aussi. Pourquoi pas? Je sais pas. Ça me semble trop difficile si elle achète un appartement en banlieue. Oui, mais elle n'a pas les moyens de s'acheter un appartement à Paris. Mais ça, elle a touché un petit héritage? Non. Comment? Ça me plaît pas qu'elle achète un petit appartement en banlieue. Pourquoi ça ne te plaît pas? Parce que je connais pas bien moi la vie de banlieue. Bon, moi il faut un peu connaître pour si, il faut connaître pour raconter. Pour raconter quoi? Bah, je sais pas, la rue, les rues, les atmosphères. Je sais pas si on va tellement s'attarder dans les rues, dans les atmosphères des rues. Bah un petit peu. Bah, c'est pas obligatoire. Ouais, tu peux aussi écrire tout seul. C'est pas obligatoire. Non mais bon. Eh ben je t'expliquerai comment c'est pas très compliqué, on ira à Montrouge, parce que on raconte. Ben, c'est Montrouge, c'est des petits immeubles, 3 étages, 4 étages, des rues commerçantes, l'avenue de la République, très commerçante. Bon, ben, elle va pas l'acheter à côté de son de chez elle. Bon, ben, elle va l'acheter dans le 13e, d'accord, j'ai un appartement dans le 13e. Non, mais je suis pas si, opposée au fait qu'elle l'achète en banlieue, si tu m'expliques, mon problème c'est que... Bon, ben, c'est un peu stupide de l'acheter à Montrouge. Non, pas l'acheter à Montrouge. Là, elle va trouver à côté de son, là où elle habite. Non, ou bien elle habite dans le 13e. Elle habite dans le 13e et elle achète son appartement à Montrouge. Ouais. Ça me semble bien. Hein? Eux, ils habitent dans le 13e. Et elle achète un appartement à Montrouge. Oui, d'accord. À proximité. Non, mais ils peuvent habiter rue Albert. Qu'est-ce qu'il y a rue Albert? Bah, c'est là où habite Pascal Antoine, mais c'est le côté populaire du 13e. Mais il faut y aller sur papa. Ouais, mais justement, on peut montrer que, tu sais, avec toutes ces rénovations un peu plus standing, on peut écrire 4 phrases un peu acérées sur la question. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, d'accord. C'est la folie des architectes. Hein. Oui, ils habitent rue Albert. Ah oui, très bien, oui. On pourra insérer quelques descriptions sur les architectes et les délires concernant les espaces ouverts dans les nouveaux. Ouais. Ils habitent rue Albert et elle achète un appartement à Montrouge. Ouais. Près du marché de Montrouge. Près du marché de Montrouge. Avenue de la République. D'accord. Effectivement, aucun Américain n'aura envie de foutre les pieds à la République. Voilà, pas loin de la piscine. Parce qu'apparemment, s'il y a la piscine, il y a le marché, c'est typiquement parisien. Ouais, ouais. C'est ça. Et puis en même temps, c'est pas trop loin de chez elle. Donc pour voir son amant, parce que son amant, il habite où? Son amant peut habiter à Montrouge. Ouais, dans un atelier d'artiste à Montrouge, il y en a plein. En fait, on peut le faire habiter dans un petit espace, parce qu'il n'a pas vraiment de thune, lui, il est ouvrier. Hein. Ouais. mais dans un truc qui va lui permettre de se visualiser un peu la situation. Je vois tout à fait le cadre. Ouais, je vais dans un truc comme ça. Bah, c'est effectivement pour les gens qui... un petit bourgeois qui fait tout à fait atelier d'artiste, dans des rez-de-chaussée où il n'y a pratiquement pas de lumière, où les fenêtres ne sont pas très grandes. Ça, c'est la porte qu'elle achète ou c'est là où il vit? Non, non, c'est là où il vit. Et tu arrives dans la... Enfin, donc il y a une grande pièce en fait. Tu descends un petit escalier et tu es dans la pièce centrale. Mmh. Et en haut, tu as une mezzanine. En haut, tu vois, il y a des plafonds de 3 mètres, 50 mètres. Mais en fait, il n'y a pas de cuisine. Une salle de bain toute petite. Et c'est très froid. Oui, mais lui, il a besoin d'une pièce pour développer ses photos. Ben, il les développe dans la salle de bain. Non, non, il y a une pièce pour faire ça. Bon, d'accord. Ben, un coin de la mezzanine lui sert pour... Oui, il peut avoir une autre pièce adjacente. C'est interdit. Oui, d'accord. Il a un petit coin pour développer ses photos. Oui, pas un grand même... truc. Non, pas un grand truc, mais il a quand même un endroit pour développer ses photos. Ouais. Est-ce qu'il vient encore? Ou alors il a sacrifié le petit coin de la cuisine pour en faire un labo photo. Il a réaménagé dans sa pièce, la pièce centrale, un vague point cuisine. Ouais. Ça va comme ça? Donc il a installé des plaques électriques, en fait une cuisinière, peu importe. On était où là? Bah donc elle achète cet appartement. Ça prend, il y a plusieurs, il y a au moins une scène où elle visite l'appartement. Une scène où elle font l'état des lieux. Une scène où elle signe le contrat. Ouais. Bon voilà. À partir de là. Une autre scène où elle visite l'appartement avec son amant. Tout excité. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en pense, l'amant? Ben, l'amant, il est un peu surpris, il se demande ce qu'il y a avant. Il trouve ça très risqué, l'amant, et puis surtout, il n'est pas très chaud pour gagner de l'argent de cette manière, quoi. Mmh. Et donc, évidemment, il se demande ce qu'elle va en faire, je trouve que c'est très hasardeux. Il pense pas, lui, il est en train de jeu, il pense pas qu'elle va trouver grand monde pour louer son appartement. Et puis surtout, elle lui fait un peu des plans sur lui, elle lui dit un peu que ça va être leur endroit à eux, etc. Lui, il est pas chaud, quoi. Ouais. Et puis, elle va bouder. Dans cette scène. En disant qu'il comprend vraiment rien. Ah ouais, mais elle boude. Tu sais, c'est bouderie, petite bourgeoise, c'est caractéristique. Vas-y, décris une petite bouderie, petite bourgeoise, c'est caractéristique. Les filles font des mous. Comment? Comme ça. Alors, la lèvre du dessous, gonflée et qui chevauche la lèvre du dessus. Et puis elle se taise. Et puis elle se taise. Et il y a comme idée que finalement tout est toujours fait aussi pour la contrarier. Mmh. Mais finalement, pendant que tu vis l'appartement, il fait des photos quand même. Ouais. Il fait des photos. Et celle qui vient de faire des photos pour pouvoir après par la suite comparer une fois qu'elle aura fait les travaux. Ouais. Et surtout pour pouvoir réfléchir à la façon dont elle va installer tout ça. Ouais. Voilà. Et elle se demande si elle va faire appel à un architecte ou si elle va tout faire elle-même, si elle va penser à tout elle-même. Oui, parce que finalement, elle est assez férue de décoration intérieure. Et si elle n'avait pas été institutrice, elle aurait bien aimé faire des décorations intérieures. Oui, c'est ça, oui. Critique de celles qui veulent faire des décorations intérieures, qui sont les dernières des potasses. Voilà. Donc ça sera chargé. C'est la Catherine qui décrira les... Mais c'est Franck qui les baise. Moi, je baise personne. J'ai baisé aucune femme, je précise ici, j'ai baisé jamais aucune femme qui avait soi-disant des talents de décoratrice intérieure. Oui, mais il a voulu. Laquelle ? Une fille que tu as rencontrée à Bruxelles. Une fille que j'ai rencontrée à Bruxelles qui est décoratrice d'intérieur ? Oui, qui voulait faire de la décoration d'intérieur. Ok. Une fille que tu as rencontrée au début, que tu avais raccompagnée à la gare pendant que je t'attendais. Que tu avais rencontrée au café dans la galerie de la Reine. Ah, une polonaise. Ça doit être ça. Oui. Capitaine Amur. Elle voulait faire la décoration d'intérieur ? Je viens de Si, je l'ai noté quelque part. Ah oui, d'accord. Le droit de mer, c'est parfait. Non. Bon alors. On a quelques scènes, il n'y a pas beaucoup. Là. Alors vas-y, comment ça se passe ? Vas-y, il faut continuer le fil dans la grande ligne de l'histoire. Donc voilà, donc son amant est très sceptique sur la réussite de son projet. Oui. Par ailleurs, il est plutôt inquiet de la tournure qu'elle semble vouloir donner à leur relation. En voulant faire de cet appartement un peu leur lieu. Lui, qu'est-ce qu'il aime bien en elle ? Elle est belle. Oui, elle est belle. Elle est photogénique. Elle est photogénique. Et mais. D'ailleurs, elle n'est pas prise de tête avec lui. Non. Et puis finalement, ils ont des relations assez légères. Finalement, elle a un côté avec lui assez superficiel qu'il aime bien. Mais il sent qu'à travers ce projet, profondément, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et ça, cette différence de longueur d'onde va s'accentuer jusqu'à devenir insupportable pour lui. Quoi. C'est-à-dire qu'il découvre en elle une sorte d'appât du gain qui lui est très étrangère. Une petite correction qui désidéalise la conception qu'il avait de l'institutrice. De l'école laïque. Pour moi, mal comme une institutrice d'avoir telle pensée. En même temps, elle s'interroge sur savoir ce qu'elle raconte à ses élèves, si finalement c'est son idéal de vie et celui qu'elle exhibe devant lui. Ah bon voilà, ça c'est une scène où elle monte l'appartement. Et après, elle devient complètement obsédée par cet appartement. Ouais. Et par l'aménagement de cet appartement. Bon, mais alors comment ça se traduit ? Quelles sont à travers quelles scènes ? Donc il faut la montrer quelquefois son travail. On peut peut-être la voir justement donnant plus de travaux écrits à ses élèves. Oui. Pour lui permettre de compulser des revues d'aménagement. Ah oui, des échos pendant qu'ils font leur... Oui. Moins attentive avec ses élèves. Et plus injuste encore. Plus injuste. Et ça commence même à créer des problèmes dans sa classe. Mais, enfin, voilà. Et ça s'envahit ses pensées. Alors peut-être que si s'envahit ses pensées, elle a besoin d'en parler chez elle le soir. Oui. Donc en fait, elle peut tout à fait inventer que l'une de ses collègues, peut-être même... celle avec qui elle a mangé une fois midi pour la faire revenir un peu dans le roman, que ce soit pas un personnage prétexte. Oui. Acheter un appartement. Et parler en fait à son mari de comment ça se passe. Oui, de comment ça se passe. Et finalement, comment cette femme tombe dans l'engrenage. Avec justement ce qui pourrait être intéressant là, c'est justement. À un moment donné, dans la fin du livre, montrer un glissement du langage. Comment ? Quel glissement ? Et par exemple, quand on raconte on dit elle, et après où ça devient je, nous, je, elle, tu vois, où à un moment il y a une confusion. Mmh. Et où le mari peut lui dire, mais attends, tu m'en parles tous les soirs, comme si c'était toi qui avais acheté l'appartement, quoi. Très bien. Tu as des choses comme ça. Mais surtout, tout ça va s'accentuer à partir du moment où elle confronte avec toi ton problème financier. Ouais, ouais, bien sûr. Ah oui, donc là, elle n'a pas encore du tout de problème financier. Ouais, c'est le début. Hein. Non, tout est... En fait, combien de temps ça va prendre les problèmes? À peu près un an. En fait, on prend l'histoire sur une année, quoi. Une année, et c'est-à-dire qu'en fait, on l'apprend à quelle période de l'année? À mon avis, il faudrait apprendre en janvier. Pas une année universitaire, surtout, hein, à cause des vacances. Même la prendre au printemps, en fait. Ouais. Fin d'hiver. Fin d'hiver, au printemps, de manière à ce qu'elle espère pouvoir louer pendant l'été. Non. Enfin, oui. Si. Ouais. Et justement, elle n'arrive pas à louer pendant l'été. Ouais. Déjà, elle est pressée parce qu'il faut que ça soit prêt. Et plutôt mars. Hein. Ouais. Parce qu'il faut quand même parler de l'aménagement. Ça va être la fin d'hiver, c'est le 21 mars. Hein. Ouais, mars. Ouais, mais pour moi, printemps, ça peut se mettre mars. Quoi. Non, mais j'ai dit fin d'hiver, disons, début ouais. Mars, quoi, février-mars. Et alors, bah, tant que ça se fasse, et après, justement, elle espère pouvoir, dès cet été, louer. Alors, elle passe des petites annonces. Elle passe des petites annonces dans les... elle passe des petites annonces dans les revues de l'éducation nationale, mais des revues aussi internationales. Enfin, internationales, c'est-à-dire de profs, parce qu'en fait, elle cherche plutôt des profs aussi. Ouais. Elle va à la Maison des sciences de l'homme pour poser des affiches. Oui, elle va à la Maison des sciences de l'homme pour poser des petites affiches. Elle essaye d'envoyer à Village Voice. Ah oui, Village Voice. Des annonces dans le Herald Tribune. Ouais. Il y a des annonces de ce type. Dans le Nouvel Observateur. Oui, dans le Nouvel Observateur. Et surtout, elle vise des locataires étrangers. Ouais. Donc, américains, allemands. Mmh. Et des monnaies fortes. Japonais ? Ouais, c'est un peu bon pour elle. Bof. Non, mais il faudrait qu'elle trouve. Elle pourrait contacter une revue un peu comme Échange, Appartement, tu sais, comme il y a en Belgique. Ouais, aussi, ouais. Une association comme ça qui s'occupe, qui publie tous les ans. Mais là, il y a un problème, c'est qu'elle loupe la publication. Ah ouais. Quoi. Parce que ça a lieu tous les trimestres seulement. Et en fait, elle, tout ce qu'elle arrive à obtenir, c'est sur la liste supplémentaire de dernière minute. Bon, donc, elle... Elle fait ça. Et puis c'est le début de la fin. En fait, le problème, c'est que ses travaux, elle a voulu le faire très vite. Donc, elle est obligée de dépenser beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais avec toujours l'idée que de toute manière, tout ça sera remboursé par la location. Oui. Mais en fait, en juillet, personne, août et fin août, elle se retrouve ultra endettée. Au point qu'elle peut plus payer le crédit de son appart ou les travaux. Parce que finalement, elle a fait appel quand même à un architecte qui a coordonné les travaux. Non, je crois qu'elle a voulu tout faire elle-même, justement, et elle se trouve face à des bêtises. Hein. Ouais. Oui, ça va bien. Qui l'endette encore plus. Oui, des choses à refaire et ouais. Tout. Du type problème avec la plomberie ou... Là, tu refais avant de refaire la plomberie. Ouais, des choses comme ça. Des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires. Et alors, elle peut plus payer. Elle peut plus payer parce que les... D'une part, elle a du mal à trouver le fric pour payer les travaux. Donc là, elle est en procès avec des entreprises qui ont fait les travaux. Ouais. Alors, c'est le siècle infernal, et puis alors donc elle essaie de, comme elle est obligée de payer les travaux, elle peut plus payer son appart, elle se retrouve en été, prendre à la banque, huissier, interdit bancaire, la spirale, mais Donc il faut quand même montrer en même temps cette, la jouissance qu'elle a à consommer. Mmh. Justement, c'est pour ça que l'aménagement est assez important. Mmh. Ah ouais. Oui, parce qu'elle fait les boutiques, elle achète les trucs. Oui, puis elle est prise par la folie des grandeurs, donc elle... Ouais, bon, à quel moment la situation devient très prévisible? À la rentrée scolaire. À la rentrée scolaire, ça, au mois de septembre, sa situation est très tragique. Ouais. Et à quel moment son mari commence à s'en apercevoir? Ah oui, mais attends, est-ce qu'elle pourrait? Parce qu'en fait, oui, j'ai une idée. On peut dire par exemple qu'elle va se mettre en congé d'éducation nationale pour dépression. Mmh. En septembre, mmh. En octobre, fin septembre, quoi, après la rentrée des classes. Ouais. Et son mari ne le sait pas. Mmh. Et là, pendant cette période, elle va essayer de chercher des solutions. Mmh. Solution, ça peut par exemple travailler en plus. Oui. Enfin, travailler pour avoir plus d'argent. Mmh. Puisqu'en dépression nerveuse, elle est payée. Oui, oui. Ouais. Mais elle va essayer de travailler au noir alors. Elle va essayer de travailler au noir. Hein. Mmh. Comme, je sais pas, moi, vendeuse. Qu'est-ce que peut faire une. Qu'est-ce que peut faire une institut surtout. Oui, qu'est-ce que peut faire une institut vendeuse. Ah. Peut se prostituer. Ça peut lui traverser l'esprit, mais je pense pas qu'elle le fasse. Bon, ça lui traverse l'esprit de se prostituer. Oui, mais elle le fait pas. Bon. Bah, le problème, c'est que je suis précisément à trouver, hein, à faire, en fait. Si, elle peut trouver justement être vendeuse. Et tu vois. On travaille pas comme vendeuse au noir. Mais dans un. Où ça, dans un quoi? Comme bacataire. Ouais, comme bacataire quand même, t'es déclaré. Ben, elle le fait quand même, elle se rend pas compte. Ce qu'elle pourrait faire. Elle pourrait coudre pour des gens. Elle pourrait. Bon, elle trouverait rien. Hein. Ben, je crois qu'elle trouverait rien, justement. Bon, elle trouverait rien. Elle trouve rien et elle s'enterre. Elle s'enterre. Et après. Elle dit que la seule solution serait de vendre cet appartement. Mais très loin de le vendre, il ne la trouve pas. Et donc, à un moment, son mari s'en aperçoit. Il découvre toute l'histoire. Et comment il le découvre? Ben, il découvre parce qu'à un moment, il y a des policiers qui viennent, il ne comprend pas ce qui se passe. Sa banque, parce que. Enfin. Oui, parce qu'ils ont des comptes séparés, mais. Je sais pas, ils découvrent ça, parce que sa femme devient complètement dépressive. Elle se néglige. Elle se néglige, et surtout. Surtout, il découvre qu'elle a un amant. Et là, lui vient, donc il la suit, etc. En fait, il espionne sa femme. Il se rend compte qu'elle va pas à l'école, mais qu'elle va justement dans cet appartement. Donc, ouais. Il a l'impression que là, elle a l'amant. Mmh. Et l'amant, il est pas là. Non. Et là, et puis jusqu'au jour de manière où les huissiers débarquent chez eux. Et là, ils découvrent le poteau rose. Et pas beaucoup d'imagination pour les histoires. Ils découvrent le poteau rose et là c'est le drame, c'est l'explication. L'explication finale. Lui se barre, elle essaie de voir son amant, mais son amant, elle l'a perdu depuis longtemps. Et elle n'a plus qu'à aller pleurer sur le désastre dans son appartement, et là, elle se suicide. Par gaz. Par gaz et l'appartement saute. Si, je voudrais bien longer seule dans cet appartement gaz, avec le gaz. Et finalement, son mari vient la chercher et ça saute. Pourquoi son mari vient la chercher? Pourquoi il ne viendra pas la chercher? En tout cas, après ce qu'il lui a fait. Mais par haine, justement. Par haine, par... un peu, comme elle a disparu, et que lui, si tu veux, il a pas son compte hein, dans la relation. À un moment, il faut que ce soit conflictuel, il faut que ce soit beaucoup plus conflictuel. Il faut que, si tu veux, il faut qu'à un moment, il faut qu'il trouve une certaine vengeance. Il faut qu'il se venge d'elle. Et elle, et donc, il va pour un peu se venger d'elle, pour la faire souffrir, pour l'accabler, pour exercer au moins un esprit sadique sur elle. Et puis là, il va chez elle et ça saute. Bon, en gros, c'est l'histoire. Pour une histoire très gay. Ouais. Voilà.